C'est qui ça? Je vais essayer de descendre un petit peu pour éviter qu'on entende toutes les bagnoles qui passent, qui passent. Qui passent, qui passent. Bon, le bonheur, on attend, mais sur mon mouchon, tout va bien. Attends, j'en ai pas pour longtemps. Hop, si je ne casse pas la gueule. Ah, putain, mais... c'est comment qu'il s'appelle? Je peux pas lui répondre, je le connais pas. C'est une nana? T'en as pas une nana? Après, tu te merdes, hein. Ok. Bon, là, il y a un camion qui passe. Voilà, c'est impeccable. Là, tu m'entends? Ok, ok. Tu lui dis que pour l'instant, tout se passe bien. Ah, arrêtez vos conneries là! Non, mais je suis à côté de l'eau alors je sais nager encore. Attends, j'y crois pas! Eh, quoi là? Non, mais je suis à côté de l'eau alors je sais nager encore. Ouais. C'est quoi, c'est la gang des mecs ou il y a un peu de. Petit Lascar, Julien, reviens plus souvent. Donc pour l'instant moi je peux pas vous contacter, mais passe par l'intermédiaire de Christophe. Hein, et n'hésite pas à laisser des messages, et puis si t'as quelque chose à me dire, ben écris à Christophe et puis il me transmettra. Ok, allez, ciao connard. Bon, le bonheur, on attend, mais sur mon mouchon, tout va bien. Malheureusement, c'est de la faute de Max. Dans ces cas-là, qu'ils s'en prennent à Max. Qu'ils s'en prennent pas sur moi. Ah, c'est dans les... 79, c'est dans les deux chairs. Dans les deux sèvres. Donc, Isabelle, j'ai bien reçu ton message. Malheureusement, je ne suis plus sur Paris. Donc, si tu veux mes coordonnées pour m'écrire, je sais que je vous manque beaucoup. Je sais que je manque à tout le monde sur la bande FM. Mais malheureusement, je ne suis plus sur Paris. Donc, voilà. Vous aussi, vous me manquez, les auditeurs de Paris. Donc, Isabelle, si t'as les yeux bleus, je t'aime. Et tu n'hésites pas à laisser des messages sur le site. Bon, le bonheur, on attend, mais sur mon mouchon, tout va bien. Donc, je sais, je manque à tout le monde, mais n'ayez crainte, pour l'instant, je me porte... à peu près bien.